maintenant. Skyrock, Planet Rap. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Ali. C'est Ali. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Ali, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine dans Planet Rap. Un véritable plaisir de recevoir monsieur Ali. Comment va? C'est très bien. Écoute, en pleine forme. Très bien. Ça va? Je te remercie pour l'invitation. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Eh ben, le plaisir. Je te remercie d'avoir répondu à l'invitation. Bah, c'est cool. De pas m'avoir laissé en plan. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais t'es là avec un album qui sort la semaine prochaine, le 2 mars. Il sort le 2 mars. Il s'appelle Que la paix soit sur vous. Exactement. Que la paix soit sur vous. On va pouvoir en parler, surtout en ces moments compliqués qu'on traverse. Bah, j'espère que ça va s'arranger. Qui sait? On croise les doigts en tout cas. Déjà. Et on espère. Pour que ça commence, il faut déjà l'espérer. Il faut déjà l'espérer. On l'espère tous très fort. Et en tout cas, c'est vrai que c'est une pierre à l'édifice en plus, cet album. On va en pouvoir en parler toute la semaine. On va revenir évidemment sur ton parcours. On parlera un petit peu de Lunatic, forcément. Surtout des deux précédents albums. Oui. Et puis celui-ci, qui est le troisième, qui arrive donc dans pile poil une semaine maintenant. Et pour débuter, Ali, on t'a prévu un petit medley. L'équipe de Skyrock, l'équipe de Planet Rap qui t'a préparé ça, qui revient sur tes deux précédents albums et puis un petit peu Lunatic aussi, c'est ce que je disais. C'est le medley spécial Ali pour débuter l'émission. Ali, le rappeur du 9-2, a encore choisi l'émission rap de référence. Planet Rap. Comme un tsunami, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, que notre union est la force. La tsunami, tsunami, harmonie. Intégré, intégré, très juste, intègre, autrui, pourquoi cette terre triste, cette vie n'est juste qu'un test. Tolérance zéro. Intolérance au plus haut degré. Ni intégré, ni intégriste. Juste intègre, frais. Pourquoi c'est triste? Cette vie n'est juste qu'un test. Pour mes négros et picots, c'est tolérance zéro, zéro. Les problèmes ne viennent jamais de sans toi. Texte brûlé, j'ai appris le sang froid. À n'importe quel moment, n'importe quel endroit, gardez le sang froid. J'ai appris de mes erreurs et des gens droits. Peu les problèmes ne venaient jamais du sang froid. Gardez le sang-froid, sang-froid. Planète Rap, Planète Rap. À l'heure où sur l'Irak pleuvent les missiles, j'arrive avec la paix pour mes cibles. Ma troupe est massive, j'ai trouvé ma cible. Shoot l'ignorance en pleine tête. Mafia, mafia, mafia. À l'heure où sur l'Irak pleuvent les missiles, j'arrive avec la paix pour mes cibles. Ma troupe est massive, j'ai trouvé ma cible. Shoot l'ignorance en pleine tête. Planète Rap, Planète Rap. Multiplie nos efforts là où les six bravoureux nous soustraire. Paris sous stress. Ça additionne haine et mensonges contre. Jalousie, trahison, règlement de compte. Génération Scarface. Peu importe où souffle le vent, j'avance droit devant. Radieux comme un soleil levant. Peu importe ce qu'amène le vent, je m'en remets à Dieu. Radieux comme un soleil levant. Peu importe où souffle le vent, j'avance droit devant. Radieux comme un soleil levant. Comme un soleil levant. Planète Rap. Opérationnel entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel. OP, OP, opérationnel. OP, OP, opérationnel entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel. OP, OP, OP, opérationnel. Lunatique, Booba Ali. Planète Rap. Temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés ouais. Pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Hurry, hurry. L'émission rap de référence. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Ce soir. Planet Rap Ali. Voilà pour une partie de ta carrière. Résumé en quelques minutes à l'instant. Quel bilan d'ailleurs toi tu tires de ta carrière? Est-ce que j'ai eu satisfaction de... parce que c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de travail, surtout sur la construction des textes, du beatmaking. Je prends vraiment le temps de travailler. Donc il y a une satisfaction. Il y a la satisfaction de l'aboutissement à chaque fois. Mmh. Et il y a un plaisir de faire ce que j'aime. Donc, de continuer à faire ce que tu aimes. Exactement, c'est un vrai bonheur tu vois, dans sa vie de pouvoir faire ce qu'on aime. Voilà. de pouvoir voilà, continuer à rentrer en studio, écrire aussi, parce que t'écris et tu prends, d'ailleurs on va pouvoir en parler cette semaine, mais point par point en fait, tout ce que t'écris, c'est, tout est pesé, hein, j'ai l'impression. C'est précis, ouais. C'est un travail de précision. Génération Scarface, tout est mathématique. Je suis vraiment dans des pures mathématiques quand je bosse. Bon, alors tiens, si on fait un peu de maths, ça va faire 10 ans que t'as sorti ton premier album solo. Mm-hmm. C'était en 2005. Ouais. Celui-ci arrive en 2015, là, dans une semaine maintenant. Exactement. Est-ce que c'est la fin d'une trilogie? Puisque si on reste dans les chiffres. On peut le voir tel quel, mais vu que j'aime pas les fins, donc il faut continuer à penser à la suite. Je suis déjà sur la préparation du prochain. D'accord. Et en parlant des 10 ans, pour pas précipiter les choses et pour équilibrer, on est aussi en parallèle sur un projet qui accompagne les 10 ans de Kao Harmony. On va inviter des peintres, des artistes du graffiti, donc toujours promouvoir et représenter la culture hip-hop. Donc on a déjà commencé avec un ami, un frère, John Kazlou, Junkie, qu'on retrouve aussi sur l'album, dans le titre On ne s'oublie pas. Mmh. Il est beatmaker et artiste peintre. Donc on continue, comme on dit, on ne stoppe pas. C'était il y a 10 ans le premier album. T'étais dans quel état d'esprit par rapport à maintenant, Ali? Ça n'avait rien à voir. C'est vrai? J'étais dans une transition, quoi. C'était une vraie transition? C'était une vraie transition. C'est quoi? Tu sortais de l'époque lunatique avec cet album, évidemment. C'était une époque un peu dure. Mais après, voilà, j'ai exprimé ce que j'avais à exprimer. C'est de toute façon dans l'écriture et l'expression, c'est beaucoup plus cru. T'as des textes comme Le Chant des Sirènes qui sont plus terrain, plus social, on va dire. Et voilà, c'est vraiment une autre époque. Donc 10 ans après, c'est quoi? Quelqu'un d'apaisé? J'espère. Est-ce que tu as trouvé l'harmonie, justement? Alors, j'ai une phrase, c'est la phrase phare. C'est la phrase phare de l'album qui décrit bien, la quête. Parce que c'est une quête, c'est pas fini. C'est pas le bonheur tous les jours. C'est avant de parler de paix, je me dois de parler en paix. Donc je parle plus en paix qu'avant. D'accord. Mais ça s'entretient. Ça Donc par rapport à il y a 10 ans, t'es un peu plus en paix. On va me dire beaucoup plus même beaucoup paix. Plus en paix. Ouais. Et bon, pour retracer ça aussi, on va revenir sur d'ailleurs des morceaux des deux précédents albums ce soir. On va réécouter ça. Mais là, on débute comme chaque soir. Tous les soirs de la semaine, on va débuter avec un extrait qui s'appelle Dialogue. Dialogue. Qui est extrait de cet album qui arrive donc dans une semaine. Tu veux dire un petit mot sur Dialogue? Bien sûr. Alors Dialogue, il y a deux choses. Il y a le côté écriture et il y a le côté aussi thème. Le thème, c'est vraiment... voilà, on est dans une culture du débat et on veut toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot. Donc il y a deux couplets, il y a le couplet de la solution qui est le dialogue. Il y a le couplet aussi où ça n'en finit pas, qui est le débat. Donc il y a... Ça c'est le côté thématique. Et après il y a le côté, on va dire, écriture plus technique et plus rime. Où sur le côté dialogue, je fais tout rimer en hog. Et sur le débat, je fais tout rimer en bas. Et il y a vraiment deux oppositions, des deux façons de s'exprimer. Et en général, c'est dans le dialogue où on trouve les solutions. Donc c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est vraiment travaillé, hein, c'est précis. C'est précis, travail d'Ali, vous allez pouvoir vous en rendre compte maintenant avec cet extrait Dialogue, extrait de l'album Que la paix soit sur vous. Il arrive dans une semaine sur Skyrock. L'ami, la vie n'est pas un monologue. Adorateur du créateur, commandement 1 du décalogue. Du chemin que se poussent les démagogues. Nos gosses n'ont pas besoin de mythos mais de bons pédagogues. Pas de paix face à Gog et Magog. Mon corps vogue, l'esprit aiguisé comme Ghost Dog. Pas de ces beaucoup de tragédies à la Van Gogh. Vers la porte de l'éternité, nos destins s'engagent. Salam dans les mosquées, shalom dans les synagogues. Seuls les cœurs sincères sont ouverts au dialogue. L'ami, la vie n'est pas un monologue. Salut à mes homologues, scientifiques, près des astronomes, loin des astrologues. Livre céleste, tout est écrit, de nos paroles à nos gestes, de la préface jusqu'à l'épilogue. Salut à mes homologues. Dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi avant même d'arriver ici-bas. Dès le début, Iblis nous combat. Tant de coups bas, j'encaisse en silence avec la grâce d'un boxeur de Cuba. J'ai l'art de la guerre comme un guerrier nouba. Bâtisseur de la paix d'ici à Cuba. Loin des endroits où être mauvais n'est plus un tabou. Celui que tu es devient celui qui t'abat. Le venin des hommes est pire que celui d'un mamba. Paris a le stress comme Rio à la samba. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi de l'Assemblée jusqu'au Sénat. Ni de l'ENA ni de Sciences Po. J'ai partagé les bancs avec X-Men et les sages pots. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. L'album arrive dans une semaine, le 2 mars. Que la paix soit sur vous, c'est le nom de cet album avec Ali et le morceau Dialogue à l'instant, Ali. Alors pour être très sincère, c'est ce que tu tiens aussi absolument, c'est vrai qu'on a enregistré l'émission. Oui. En ce qui me concerne, c'est une semaine de vacances, je suis désolé. Bonnes vacances. Merci, donc bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'y être. Et c'est pour ça que, évidemment, ton album est basé aussi sur l'actu, sur ce qui peut se passer, sur voilà, tout ce qu'on a à faire. D'ailleurs, on a eu malheureusement un très mauvais exemple en ce début d'année 2015, hein, année qui a commencé assez difficilement. Donc j'espère que la semaine qu'on sera en vacances, il n'y aura pas non plus de gros drames voilà, qui pourront affecter des gens. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, mais voilà, c'est important de le préciser. L'émission a été enregistrée fin février autour de cet album. Que la paix soit sur vous, il y a une semaine à peu près. Juste un petit mot, oui, sur ces événements, sur tout ça. C'est quelque chose que t'as vécu comment, toi, en tant que musulman, hein, gay. Bah, en tant qu'être humain, en tant que musulman, c'est. Je vais pas m'éparpiller et rentrer dans les polémiques ou rentrer dans des cases ou des choix de cases. Je vais répondre tout simplement, tu vois. La vie, elle est sacrée pour tout le monde. Voilà, on ne tue pas. Voilà, c'est ce que tu vois. Il y a des commandements fixes pour nous, tu vois, que tu sois musulman ou juif, c'est le socle. Je parle des décalogues, du décalogue dans Dialogue. Justement, c'est les 10 commandements. Et dans ces 10 commandements-là, tu ne tueras point. Tu peux à un moment protéger ta vie et ça veut dire être dans la défensive, mais tu ne tues pas. La vie, elle est sacrée. Et c'est tout ce que je peux dire. T'es quelqu'un d'ouverture là-dessus, en tout cas. Tu incites au dialogue. Voilà, peu importe, c'est ce que tu disais avant tout. Peu importe la religion, on est des êtres humains avant tout. Donc, il faut qu'on arrive à tous s'entendre au moins. C'est des choses qui se font naturellement. Tu vois, parce qu'on est des êtres humains. Et l'être humain, c'est un être complexe. Chacun son parcours, chacun ses émotions, chacun sa psychologie. C'est pas aussi simple que ça. Mais un raccourci, c'est celui du cœur. C'est-à-dire, un coup, tu veux le bien déjà pour ton entourage. Et en général, l'être humain est bon. La nature de l'homme, en tout cas, c'est ce en quoi je crois, c'est une bonne nature. Et tout simplement, on veut se marier, on veut avoir des enfants, on veut s'épanouir, on veut être heureux. Donc ce bonheur, il ne doit pas être que personnel et individualiste, ça doit être un bonheur général. Donc ça, en islam, on nous apprend, n'est pas croyant celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Donc le bonheur que je veux pour moi, je le veux aussi pour mon frère. Mmh. Et mon frère, ça n'inclut pas que mon frère en islam, ça inclut mon frère en humanité. Donc tout simplement, pour pas m'éparpiller, pour pas rentrer dans de polémique, tu ne tueras point. Et que la paix soit sur nous tous. Je le souhaite de tout mon cœur. Avec la sortie de cet album lundi prochain, qu'on va pouvoir découvrir entre 20h et 21h sur Skyrock. Donc c'est important de le préciser, surtout que il y a quelque chose. C'est vrai que moi j'avais la chance d'écouter cet album avant tous ces événements, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce côté aussi, voilà, rassemblement, même si le premier, Chaos et Harmonie, c'était ton état d'esprit. Il y a eu le rassemblement, il y a celui-ci. C'est vrai qu'on voit un cheminement d'un homme avec ses doutes, avec ses faiblesses. Exactement. Mais au bout tous du, les hommes, tu mais, vois. Mais au bout du compte, voilà, être le mieux possible au quotidien. Toi, ta vie au quotidien ressemble à quoi, Ali? Bah, Dieu merci, franchement, je suis heureux. C'est-à-dire que je vois le visage de ma femme, je vois le visage de mes enfants. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je vois ma mère, je vois mon père. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai de vrais amis, je les remercie. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pas mal, en effet. Bah, que l'album marche, ce serait bien aussi. C'est une bonne chose, ça fait partie de la vie. C'est un métier, ça fait partie de la vie. On défend son métier, c'est un métier que j'aime. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Alors peut-être, si, je sais peut-être un truc. Peut-être enfin une tournée. Je l'espère aussi. Ils vont parler, Cicéron, Miguel. Peut-être enfin une tournée. Bah ouais, mais ça dépend des gens maintenant. Pour la tournée, tu sais comment ça marche. Il y avait une époque où les tournées, c'est les tourneurs se mouillaient pour les artistes. Ça veut dire qu'ils prenaient des risques de mettre sur scène des gens pour qui ils avaient un respect ou une affection. Un coup de cœur, quoi, voilà. Un vrai coup de cœur. Aujourd'hui, c'est fini, c'est en fonction de tes vues. Et à partir de là, les gens vont commencer à prendre plus prendre le risque, puisqu'il y a des vues, à aller te proposer sur la scène. Donc, j'espère que ça va se faire, qu'il y a encore des vrais tourneurs, comme il y a de vrais artistes. Bah, l'appel est lancé. Ali est là, il est prêt, il a maintenant en plus 3 albums, donc je pense que tu peux tenir un bon petit moment sur scène. Bien sûr. Et faire plaisir à beaucoup de gens. Un petit mot d'ailleurs, c'est vrai que toi, tu as connu cette époque de la musique où Internet n'existait pas, hein, où c'était même les cassettes, les mixtapes. Exactement. À l'époque. Comment tu le vis, toi, cette tournure musicale? C'est quelque bien, chose. Sur... T'es vachement bien. Présent, non? T'es pas présent sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas. Je suis pas présent, mais je suis conscient de l'importance du changement. Tu vois, on est passé du disque à la cassette. À un moment, on a eu différents formats. Ça évolue très rapidement, donc il faut pas avoir peur du changement. Tu sais, à l'époque, quand on a inventé le téléphone, ils croyaient que c'était le diable. Tu vois. La première fois qu'il y a eu un premier téléphone, on a dit qu'est-ce que c'est, tu vois. Quoique maintenant, avec les portables, ça peut être aussi. Hein, c'est... Ça dépend comment tu gères. C'est tu vois. Ça dépend comment tu gères. Faut savoir se déconnecter. Faut savoir être connecté avec soi-même, et ça te permet le temps de prendre le temps, en fait, et de mettre les choses dans l'ordre. Tu vois. Et faut prendre les choses du bon côté. Tu sais, la vie est belle. C'est normal que ça progresse. C'est la technologie, c'est une bonne chose, et j'espère qu'on en aura une bonne utilité. Est-ce que ça veut dire que toi aussi tu vas de plus en plus instagrammer? Est-ce que tu vas de plus en plus tweeter? Bah écoute, est-ce que tu vas de plus en plus facebooker, liker, poker? À l'heure où je te parle, hein, donc je sais pas de quoi est fait la semaine prochaine, vu que ça va être retransmis, ça se trouve là, je vais ouvrir un compte Twitter la semaine prochaine peut-être communiquer, peut-être. Mais voilà, et c'est l'ère du temps, et faut vivre dans son temps. Tu communiques comment pour l'instant avec le public? Écoute, vu que je vis vraiment dans ma bulle artistique, on va dire, là j'étais dans une phase créative, là et je viens dans une phase de promo, c'est voilà ma façon de communiquer, c'est maintenant. J'aime vraiment, pour moi, la meilleure communication, la plus honnête, c'est quand t'es sur scène, tu vois, ça ment pas. C'est là que tu donnes tout, et c'est là que voilà, c'est là qu'il y a une vraie communication. C'est là que c'est important. Le reste, ça reste que du virtuel. C'est très pour moi, pour l'instant, je pense que ça doit être aussi une forme d'art de savoir communiquer de par ces réseaux. Et voilà, chaque chose en son temps. Je pense que Tu vas peut-être, l'apprendre pour cet album, en tout cas. Bah, il faut. Qui sait? Il faut. On suivra ça. Que la paix soit sur vous. Ça arrive lundi prochain. Est-ce qu'on se replonge un petit peu sur ta discographie, Ali? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Bien sûr. Bah, écoute, on va se rappeler ce que j'avais fait avant de sortir cet album. Donc, avant cet album, c'était Le Rassemblement. Ouais. Et un morceau qui me tient à cœur, c'était Tsunami. Tsunami? Ça, c'était sur le deuxième album. Sur Le Rassemblement. Sur Le Rassemblement, l'album d'Ali. Et c'est Tsunami tout de suite. Ça soit bloc contre bloc, bloc contre bloc, quand les cœurs sont scellés, les regards se braquent, l'espoir est bloqué. Surbooké, Gita ne cesse d'escroquer ses fans, les tracks se font bouquer, et les cris des fans jusqu'à l'infamie. Les hommes de foi bravent la misère, tiennent comme les mosquées indonésiennes. Face au tsunami, intègre comme les frères du Burkina Faso. Entends ma voix vibrer, du passé à l'assaut. De Paris on s'étend, de Jakarta à Nassau. Unis, vers celui qui est le très haut. Allah pour seul maître universel réseau. Scellez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens. Ma vie s'active dans la lutte à la Steve Biko. Racisme et injustice pour principaux rivaux. Frapper la paix me motive pour arriver au niveau. J'ai noyé mon ennemi numéro un, mon ego. Serrez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, j'arrive en force comme un tsunami. Serrez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, j'arrive en force comme un tsunami. Tsunami, tsunami, tsunami. Serrez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, j'arrive en force comme un tsunami. Serrez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, que votre union est la force. La tsunami, tsunami, tsunami, tsunami. Les ennemis deviennent amis quand vient le tsunami. Fait vibrer le tout Paris, brise la tyrannie. Pliant les rimes dans tous les sens comme un origami. Corps et âme soumis à celui qui a mis l'homme sur terre droit comme un alif. La plus belle calligraphie ordonnée aux planètes. La meilleure chorégraphie au mouvement immense. Mon rap se rallie, boussole du cœur, l'amour donne du sens à la vie. Laissant mes sens ravis, j'bosse pour la réalité comme la vie Asimov. Pour la fiction, Isaac et Ismaël étaient frères. Seuls ceux qui préfèrent le mensonge veulent la friction. Pas de fraction dans ma faction, Didier Stretch continue de scratcher. J'ai tant de choses à dire comme les survivants de Haché. Je tiens le microphone comme un haché. Pas d'anarchie pour viser dans le mille. C'est droit devant qu'il faut marcher. Du Havre à Strasbourg et de Marseille à Lille. Quand les liens sont scellés, la force est de ne pas les lâcher. Scellez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, j'arrive en force comme un tsunami. Scellez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, j'arrive en force comme un tsunami. Tsunami, tsunami, tsunami. Serrez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, j'arrive en force comme un tsunami. Serrez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, que notre union est la force. La tsunami, tsunami, tsunami, tsunami, tsunami, tsunami. Ali, dans Planète Rap, que la paix soit sur vous, c'est l'album qui arrive, et là c'était un extrait du précédent album, il y a 5 ans aussi. Exactement. Ah oui, c'est vrai, t'as un truc avec les chiffres, hein, tous les 5 ans, hein, 2005 le premier. Là c'était pas voulu, je suis parti tous les 5 ans, je vais sortir un album. 2010, c'était en effet le rassemblement, mm-hmm, où on retrouvait Tsunami, et puis là ouais. 2015, la sortie du nouvel album. Non mais il n'y a pas de... Non, c'est pas voulu. C'est pas voulu. C'est pas voulu. Il va arriver quoi, beaucoup plus tôt, c'est quoi, c'est... Bah, tu sais, il y a les imprévus. Mmh. Y a les imprévus. Déjà, un coup, je pouvais sortir au plus tôt possible. Après, t'as des histoires de mix, t'as des histoires de mastering, t'as des histoires de patience dans le travail. Et même au niveau de l'écriture, je me précipite pas. Mais est-ce que pareil sur toutes les étapes de la fabrication justement de l'album, t'es comme ça? Évidemment, l'écriture, on a compris. Mm-hmm. C'est vrai que c'est technique, pointilleux. Est-ce que pareil sur les mix, sur... Ouais, je suis très pointilleux. Ah ouais. Et d'ailleurs, moi, je te remercie de me parler de ça. Je tiens à saluer Cyril Noton, alias Reptile, un grand monsieur qui a été très très patient par rapport au mix. Je le remercie et je le salue. Donc salut Cyril, je t'embrasse très fort et merci pour ta patience. Et voilà, c'est beau quand même parce que au-delà du rapide, ça crée des liens. Tu vois, tu commences à apprendre des gens, t'apprends aussi d'eux, parce que le rapport de patience qu'ils ont, mmh, bah toi aussi ça te renforce dans ta patience et ça te donne aussi envie d'être plus patient par rapport aux plus jeunes. T'as vu, c'est vraiment une transmission, tu vois, c'est vraiment une... En tout cas, merci Cyril. Et bah Cyril, et, alias Reptile, et Fred Kevorkian aussi. Salue. Fred Kevorkian à New York, avec qui j'ai travaillé sur KO Harmony, donc je le salue aussi. Il est francophone, donc salut Fred. Eh ben, on peut nous écouter partout, donc c'est voilà, une bonne raison de saluer un petit peu tout le monde. On va revenir dans un instant. Pareil, on se replonge dans la discographie. On partira sur quoi, Ali? Bah écoute, avant le rassemblement, il y a eu K.O. Harmony. Et Génération Scarface, c'était un titre qui avait bien marqué l'album. Et bah bougez pas, c'est dans un instant avec Ali. Votre freestyle par téléphone aussi, ça arrive, les inscriptions 41759. Et on revient avec Ali, l'album sort dans une semaine, que la paix soit sur vous. In the shadows. Ladies and gentlemen, j'ai choisi Skyrock. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap avec Ali sur Skyrock. Planet Rap toute la semaine. Passez une bonne soirée. On est avec Ali. Que la paix soit sur vous. L'album sort dans une semaine. Là, tu es énervé. Tu peux plus rien faire là. Bah, je suis dedans. Là, j'avance. Tu peux plus toucher là. Plus toucher ni les textes, ni les mix, ni la pochette, ni rien du tout. Tout va bien. Bon, il est en précommande aussi, hein, l'album. Je dis ça pour ceux qui vont l'acheter digitalement. Oui. Que la paix soit sur vous, c'est à découvrir cette semaine entre 20 et 21. Et puis aujourd'hui, on revient un peu évidemment sur ce parcours. Ce parcours que tu as jugé tout à l'heure chaotique, mais plein d'harmonie, j'ai envie de dire, pour résumer. Au début, oui. Chaotique au début. Et de plus en plus d'harmonie. On va pas aller dans ce harmonie. Dans l'extrême, ouais, dans l'extrême. Il y a juste milieu, tu vois. Et c'est ce que je dis à la fin de l'album. Être pacifié ne m'a pas rendu passif, tu vois. Là, c'est pas une question de naïveté. C'est vraiment une quête profonde de vouloir vivre en paix. Je suis pas sur un nuage et tout le monde est souriant. Je suis conscient de la réalité dans laquelle on vit. Mais justement, j'ai une autre phrase très importante qui est dans Tant qu'il est temps. Le monde est fait de conflits. Y trouver l'équilibre, c'est devenir un être accompli. Donc, tu vois, tout en sachant que dehors ça va mal, faut pas en rajouter. C'est pas parce que ça va mal que je vais en rajouter une couche. Moi, c'est vrai, ça va mal. Il y a des conflits extérieurs. Ça pourrait être pire. Donc, quelle est ma part? Est-ce que je peux ramener du mieux là-dedans? C'est tout simplement ça. Donc, être pacifié ne m'a pas rendu passif. Donc, le côté harmonieux, il est dans cet équilibre que je vais ramener par la suite, tu vois. Et après un moment, il y a une évidence de long terme. C'est pas maintenant que je vais savoir est-ce que j'avais raison de se prendre ce chemin. Ça serait au moment où je vais rendre mon souffle. Ouais. C'est, si je le rends en paix, c'est que j'ai vécu en paix. Tu vois, on se forge des habitudes qui deviennent un caractère à la fin. Donc à un moment, on apprend à se connaître, on re-rencontre les gens au bout de certaines années. Ah, au fait, tiens, il a changé. Tiens, il s'est amélioré. Tiens, et c'est vrai. Il y a une cohérence qui se fait avec l'âge. Donc c'est pas une quête de harmonie. Simpliste, tu vois, c'est vraiment quelque chose de profond et j'y crois réellement. Tu vois, j'y crois réellement parce que, tu vois, on voit souvent les mauvais côtés, la difficulté, mais on n'oublie pas de parler des gens bien, des gens qui œuvrent en silence et qui font du bien. Et en général, c'est les plus silencieux. Et c'est pour ça que je suis assez ravi aussi de t'avoir cette semaine, parce que c'est vrai qu'on parle et qu'on focalise. Alors ça, c'est dû peut-être aussi à tout ce qui est nouvelles technologies, réseaux sociaux et tout, mais on focalise pas. Et puis, grosso modo, quand même, quand tu regardes autour de toi, on arrive quand même à vivre ensemble. On arrive à se parler, à échanger. Il y a eu pire. On est dans une ère où il y a encore un espace au dialogue. Exactement. Celui qui veut débattre, qu'il débatte, ça en finira pas, c'est sûr. Mais celui qui veut prendre le temps de dialoguer parce qu'il y croit, il a encore cet espace. On a encore ce choix, je l'espère. Je l'espère vraiment et j'y crois. Eh ben moi aussi, je suis assez comme toi là-dessus, j'y crois et je reste assez positif là-dessus. Fou. Même si parfois c'est vrai que quand on regarde la télé, les réseaux sociaux, on peut se dire. Faut pas être une éponge. Mais il faut, voilà. Et puis il faut aussi regarder autour de soi. Voilà. Ouais. Et pas uniquement sur des écrans. C'est bien aussi, c'est important. Ouais, c'est très important. Et faut savoir apprécier le bien qu'on a autour de soi. Voilà. Et ben on va en profiter avec toi cette semaine entre 20 et 21. Par contre, replongeons-nous 10 ans en arrière. Ça, c'est sur K.O. et Harmony. Donc, tu disais tout à l'heure, t'étais pas encore, voilà, t'étais en pleine recherche, avec beaucoup, peut-être beaucoup plus de doutes, beaucoup plus de quoi, j'ai pas envie de dire de la haine au fond de toi, mais un peu plus de rage, non, à cette époque-là. La rage. Et justement, c'est bien que tu parles soit de la colère, soit de la rage, parce que c'est des expériences qu'on vit, c'est des émotions. Et c'est ce que je disais dans un des textes de l'album, dans K.O. Harmony. C'est que t'as vraiment des énergies que tu ressens physiquement. Tu vois, aussi bien la rage, tu la ressens dans les tripes, que la haine, tu la ressens dans le cœur et dans la poitrine, et que l'amertume est saisie à la gorge. Tu vois, quand on dit avoir un goût amer, c'est parce que tu le sens vraiment au niveau de la gorge. Tu vois, la thyroïde et tout ça, c'est très lié au stress. Tu vois, tout est vraiment lié par rapport à ça. Et la haine, tu la sens dans la poitrine, tu vois. Et j'ai pas envie de vivre avec ça. Mais ça donc, fait mal. Sur K.O. et Harmony, tu l'avais quand même. J'avais beaucoup de rage. Plus de rage que de haine. C'était quoi qui motivait ça? C'est quoi qui amenait à cet état rageux? Je pense qu'à 30 ans, t'as pas la même maturité qu'à 40 ans. Donc, tu te dis que tu peux changer les choses en forçant. quand t'as des injustices face à toi, tu te dis pas que ça peut arriver à tout le monde, t'es braqué face à toi-même. Je pense que c'est une question d'âge. Donc je suis content. J'ai pu mûrir par rapport à ça et essayer de sortir de moi-même. J'ai aussi la chance d'avoir des gens, un bon entourage aussi, ça joue. Mmh. Parce que si tu restes de 30 ans à 40 ans avec des gens de mauvaises intentions. Qui t'emmènent plus, qui tirent vers le bas, ouais. Tu te détruis petit à petit, tu vois. Donc, aussi un appel aux parents, tu vois. Prenez soin de vos petits. C'est l'avenir, c'est nos trésors. Tu vois, à un certain âge, on a une maturité, on a une réflexion, on n'a plus d'excuses. À 30 ans, c'est encore. Allez. Excusable. C'est excusable. Passable. C'est excusable. Mmh. À 40 ans, c'est fini. Il n'y a plus d'excuses à 40 ans. Voilà, soit je pense qu'à un certain âge, soit on ne peut plus blâmer les autres. On a une part et une responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps encore il va nous rester à vivre, 10 ans, 50, 60, 70. Mais ça y est, les excuses sont finies. On a eu suffisamment d'expérience pour ne plus recommencer les erreurs. Bon, on va se replonger quand même sur cet album Chaos et Harmonie avec ce morceau Génération Scarface. On l'écoute, on pourra en reparler aussi après. Et on vous attend au freestyle de Planète Rap dans un instant. Le crime est un piège, mon Dieu m'a fait lâcher la balle. Il s'agit plus d'assurer le déj et le repas. Trop valeuro sur le siège, sera trop net bien assis. Mais n'est pas qui veut aller, c'est là si les époques se succèdent à l'âge de pierre. Sous celui du feu, ma période celle de l'acier. J'ai sauvé du mieux que je peux, solidifié de mental et de corps. Mousseline, on préserve la foi pour que les cœurs ne finissent pas sous scellés ou sous la forme de glacier, un peu à la iceberg slim. Ici le plus gros pimp est à la tête de l'État. Les crocs légalement se présentent sous un aspect clean. La plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas à mon échelle. Trop baratine, les pantins pour tirer les ficelles. Veux les cimes, au sommet les steams sont passés par la pente. La France d'en bas est un cul-de-sac pour en sortir. Celle d'en haut, ma musique, la braque à la tempe. Tempérament des briques où trop nombreux craquent dans la tente. Les cris qui se déplacent là où poussent les plantes. Les ronds du Sahel et du Sahara le savent très bien. L'aridité dans les poches et dans les yeux la sécheresse. Loin de Dieu, la jeunesse est pécheresse. Pour ne pas effacer les sourires des mioches, des anciens masquent la détresse dépressif. L'esprit trop près des récifs. J'insiste, on préserve la foi, la tient ferme comme une braise ardente. Et lâcher prise, laisserai mon âme perdante. Tout est mathématique. Tout est mathématique. On multiplie nos efforts là où les six draps voudraient nous soustraire par les sous-stress. S'additionne et les mensonges comptent. Jalousie, trahison, règlement de compte. Génération Scarface. 1970, s'ouvre les yeux pour ma génération de noir et de crouille. 80 la dépouille, 90 la débrouille. 2000 le bruit et l'odeur ne sont plus les mêmes. Sans la poudre, on entend se vider les douilles. L'Europe aurait pari pour capitale de l'embrouille. Mes écrits sont ceux de la paix, transcrits les en braille à ceux que la haine a aveuglés. L-U-N-A-T-I-C, j'ai mis une croix dessus comme Ali l'a fait pour Cassius Clay. Comme les jeunes négros, ils souffrent et s'épènent. Le système a vu en moi un cas suspect. Pour ma propre défense, c'est le mérite, pendant que sur ta tamis à la brésilienne, nous prenons place les clés. Ne flippe pas pour tes articulations, on veut juste péter les chaînes. Que nos messages se déplacent à travers les ondes hertziennes. On rêve d'échapper tout le monde qui nous appartient. La réalité est que les eaux sont pleines, c'est pour mes têtes de bronze incarcérées. Le cœur serré, harassé par des tentations, enfercé des imposes. Bêtement, Tony a tué Mani, pire que la guerre, la zizanie accélère. Tes pulsations, tes battements, trop près des bâtiments, trop loin de la Tanzanie. On aspire à approcher la beauté du Serengeti, avoir la sérénité à ses côtés. Comme le Hajj Malik l'a trouvé auprès d'El Chapas Betty. Et face au stress de la ville, sans tu t'opposes au subi, au pas des rubis. Sans plus terme, face à l'éclat de nos yeux internes, en nous-mêmes est caché le bien le plus précieux. C'est pour ça qu'on en veut souvent à l'autre. Jalousie, trahison, règlement de compte. Et le diable multiplie ses apôtres. Tout est mathématique, on multiplie nos efforts là où les six draps voudraient nous soustraire par les sous-stress. S'additionne et des mensonges comptent. Jalousie, trahison, règlement de compte. Génération Scarface. Tout est mathématique, on multiplie. multiplie nos efforts. Là où les citrables voudraient nous soustraire, Paris sous stress, s'additionne et les mensonges courent. Jalousie, trahison, règlement de compte. Génération Scarface, Scarface, Génération Scarface, Scarface. C'est Ali, notre invité toute la semaine, que la paix soit sur vous. C'est l'album qui sort dans une semaine. Et puis là on se replonge comme c'est la première soirée un petit peu en arrière, avec un extrait de Chaos et Harmony. Et oui, ce morceau Génération Scarface qui arrivait pour toi à quel moment? C'était à l'histoire de tirer un trait sur, ouais, sur ce que tu avais fait auparavant. Exactement, c'était... Et surtout il y avait un lien par rapport à, c'est justement dit tirer un trait mais me dire quand même, malgré ce que j'ai fait et dans mes erreurs, je suis content. Ou quand j'avais fait le crime piège, j'avais clôturé avec le crime est un piège, mon Dieu, j'ai mordu la patte. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je savais que c'était pas bien. Tu vois? Et donc, j'ai rouvert ça avec le crime est un piège, mon Dieu m'a fait lâcher la patte. Ça veut dire, c'est bon. Je cautionne pas ça du tout, c'est très mauvais. J'ai pas envie. Vraiment, tu regrettes cette époque, le crime piège, le mauvais œil, lunatique, l'album? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas l'album en soi que je regrette, mais c'est les propos. Et pourquoi? Parce que ça déteint sur nos petits frères, nos petites sœurs, que ce soit de France ou jusqu'aux États-Unis. Tu sais, le rap, à un moment, c'est devenu aussi une machine à prison. Et j'ai pas envie que mes petits frères soient des futurs prisonniers. Mais est-ce qu'il y a aussi un rôle? C'est pas, est-ce qu'à un moment, quand on écoute un album, c'est pas comme on mate un bon film d'action qui peut être d'action? Alors, ou... C'est une très bonne question parce qu'on me l'a souvent posé et c'est deux choses totalement différentes. Un film, tu le regardes une fois, deux fois, trois fois. Bon, un jeu vidéo alors, un jeu vidéo. Quand t'es sur un jeu vidéo, tu peux rester plusieurs temps dessus. Alors, plusieurs mois dessus. Tu vois, moi personnellement, j'ai des enfants, je leur ai acheté une Wii U avec Mario Bros. Tu vois, avec Super Mario et Mario Kart 8. Il y a des nuages partout, il y a des. Il y a des bananes. Il y a, ouais, mais ça, c'est gentil. Tu vois, déjà, les bananes, c'est bien, c'est bon pour la santé. Ouais. Déjà, c'est coloré et ça reste gentil pour nos enfants, tu vois. C'est-à-dire que je les prépare dans l'avenir à pas être dans de l'agressif. Tu vois, et bien sûr, c'est que des jeux. Mais après, c'est un choix de vie. Faut pas venir à un moment se plaindre qu'on a des enfants agressifs et qu'ils réagissent d'une certaine façon parce qu'ils sont habitués à un moment. Faut pas oublier que le cerveau d'un enfant, il est pas fini d'être formé. Faut arrêter un moment. Le cerveau d'un enfant, il est pas fini d'être formé. Ils sont en train d'apprendre les, on va dire, ce qui est sensoriel. Le côté intellectuel, ils l'ont pas. Donc, ils sont justement dans cette phase très sensorielle où ils sont en train d'absorber des trucs agressifs, agressifs, agressifs. Heureusement qu'après, il y aura la maturité pour se dire, ouais, bon, c'est pas grave. Bah, heureusement qu'il y a du timing et qu'il y a des parents intelligents pour limiter les trucs. Mais quand t'as pas les parents derrière, quand t'as pas un cadre et que t'es à longueur de journée, enfin, sans aller non plus dans un autre excès, mais très régulièrement là-dedans, ça t'impacte. Forcément. Tu deviens agressif sans le vouloir. Après, je suis pas en train de te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je suis en train de parler à des gens de mon âge. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais à des parents et je disais, ouais, on a des enfants, faut faire très attention. On peut plus faire semblant à un certain âge et on sait qu'il y a des impacts et il y a des répercussions dans des choix de vie, dans des modes de vie. Donc ça veut dire qu'à un moment, des choses où on sait, des choses qui peuvent t'amener à des risques, faut les modérer, on le sait. Tout simplement à notre âge. Mais plus petit, on s'en rend pas compte. Mais quand on prend mauvais œil, par contre, c'est vrai qu'il y avait tout, toi, il y avait le côté yin et yang. C'est vrai que toi, t'avais ce côté quand même qui était déjà plus posé que Booba peut-être à l'époque. Enfin, t'étais peut-être un peu moins dans l'agression aussi quand on reprend les textes de l'album. Bah, écoute. Où tu penses que c'est un tout, c'est un global. C'est très social parce que le truc, on l'a défendu, en tout cas de ma part. C'est quand je parlais, j'exprimais ce que je disais, j'exprimais soit un mal-être ou soit une envie d'exprimer quelque chose. Donc c'était des choses que d'autres personnes ressentaient aussi. Donc forcément quand ça ressortait, bah voilà, ah donc ouais c'est bon, c'est bien, on nous représente, c'est vrai que le crime c'est que ça, et ça donnait toute une école derrière, tu vois. À un moment il y a, comme tu disais, l'exemple des jeux vidéo, mais après à un moment il y a aussi la réalité. C'est de se dire ouais ça a ouvert une porte à quelque chose de pas bien non plus. Donc voilà, je suis à un moment à là de te dire qu'on a Une responsabilité. Une responsabilité. Voilà. En tout cas, je parle pour moi. Pour je toi, parle ouais, pas pour les gens. Il y a un impact et je l'ai vécu. Il y a une expérience. On a eu combien de petits lunatiques après lunatiques? Et ces petits lunatiques qui voulaient représenter, ça fait quoi en fait? vu que c'est une musique qui est aussi très sociale, qui, où chacun veut représenter son quartier. Quand on fait les premières radios, c'était quoi? C'est de dire le nom de tes potes et le nom de ta rue, le nom de ton quartier et de ton bâtiment. Donc, il y a toujours ce truc de vouloir représenter. Représenter, ouais. Donc, c'est pas juste être dans un jeu vidéo, tiens, ouais, je représente le gars de mon pote dans tel jeu. Non, ça dépasse le côté divertissement. On n'est plus dans le jeu. On n'est plus dans le game. Il y a un véritable impact. De société. J'en suis sûr et certain. Tu pourrais pas reprendre certains morceaux en les arrangeant. Il y avait eu Kerry d'ailleurs qui avait fait ça, Kerry James, mm-hmm. à un moment qui, voilà, regrettait, mais avait des doutes aussi sur, et se posait les mêmes questions autour de Ideal J, du coup mm-hmm. on va continuer, etc. Après, il avait été repioché aussi certains morceaux en enlevant parfois quelques paroles. Est-ce que c'est une bonne chose? Tu pourrais faire ou? Je pourrais le faire. Parce que ça reste de l'art, tu vois. Ouais. Ça reste de l'art. Et l'art, vu que c'est intemporel et que ça t'accompagne sur ton parcours, c'est bien un moment d'avoir un recul et de reformuler des choses qui peuvent être bien, mais d'une façon plus mature. Bon, il n'y a pas de reformation éclonatique de prévu, à ce que je sache. Comme c'est la période des reformations, il y a eu Sniper il n'y a pas très longtemps. Je ne peux pas répondre mieux que tu n'as répondu, Fred. Non. Ah, mais tu réponds bien, Fred. A priori, non, si j'ai bien compris. Que la paix soit sur vous, c'est l'album d'Ali qu'on va découvrir aussi dans un instant avec un morceau. C'était le premier balancé, celui-ci, je crois, non? Survivant, c'était... Alors, même avant Survivant, on avait un petit freestyle qui est devenu un titre de l'album, qui est Suprême Mélodie, que j'avais fait avec Cho. Oui, c'est vrai. Avec Cho Antidote pour sa mixtape. Et à l'époque, je l'avais sorti, c'était quelques mesures, et les gens se sont dit, ah, c'est tout, c'est fini. Et ça y est, moi, j'étais déjà parti sur la suite, en fait. Donc, avant Survivant, il y avait le premier couplet de Suprême Mélodie. Et là, Survivant, c'était le premier titre, on va dire, officiel avec Ouzouane, où c'est nous qui est avec nous dans les locaux. On va peut-être écouter le titre. Et on va présenter Ouzouane. Mais juste avant, moi, je vous présente, c'est monsieur Kéfir de Saint-Etienne. Salut Kéfir. Yo, ça va? Comment vas-tu? Ça va, écoute, en pleine forme, merci. Bienvenue Kéfir, tu connais évidemment Ali. Ouais, bien évidemment. Bah Ali, j'ai été bercé par Ali, on va dire, par les lunatiques. D'ailleurs, je lui en veux un peu parce que j'ai longtemps fait une faute d'orthographe à cause du nom du groupe. La responsabilité. On en parlait il y a quelques minutes. Alors en français, c'est Q U E. Non, avec un K. C'est qu'il y a qu'un K, lunatique. Oh, non, ça c'est dans le milieu hip hop, ça. Le K, il est partout. Ouais, quand c'est tu dis cool dans le hip hop, tu l'écris avec un K. En tout cas, écoute, Kéfir, tu apportes un soutien de poids. Je sais pas si t'as entendu ce qu'on disait à l'instant avec Ali sur la responsabilité. Oui, c'est vrai, même lunatique. Il y a eu plein de fautes d'orthographe à cause de vous. Non, mais c'était très très très intéressant ce qu'il disait par rapport à Mauvais Oeil et tout ça, parce que moi j'ai vraiment le crimpé, tous les freestyle time bomb, etc. J'écoutais que ça, et justement ce que j'aimais bien c'est Booba. Il avait le côté un peu plus street, un peu plus pas agressif, mais on va dire un peu plus rentre dedans, et que Ali lui avait plutôt ce côté posé. Et justement, je te rejoignais dans ce que tu disais, Fred. Vraiment, moi je pense pas qu'il y ait à regretter quoi que ce soit, parce que moi les paroles, enfin comme je les ai pris, parce que je suis beaucoup plus jeune, comme j'ai pris les paroles à l'époque, bah honnêtement je les ai pas pris dans le sens va tout péter, ouais, ou va tout niquer, ouais. Voilà, exactement, je les ai vraiment pris d'un bon côté. T'as pas fait de prison depuis, t'as pas fait ça? Ah, pas du tout, Dieu, j'excelle, j'ai pas plus 3, tu vois. Merci. Et non, honnêtement, c'est vraiment, et beaucoup autour de moi, des gens qui écoutaient Lunatic, et notamment ton projet aussi, K.O.E. Harmony, bon ça c'était beaucoup plus tard, hein. Je pense que t'as, honnêtement, sincèrement, par le biais d'un auditeur, t'as honnêtement rien à te reprocher. Rien à te reprocher au niveau des paroles, c'est gentil, vraiment, mais absolument rien. Tu vois, ça c'est un avis extérieur qui me réconforte et qui me fait plaisir, mais j'ai aussi mon cas de conscience et je me connais et je m'écoute. Tu vois, c'est très très important, c'est un moment de s'écouter. C'est intéressant. Enfin, voilà, Kéfir, et c'est vrai qu'on se rejoint là-dessus. C'est vrai que voilà, même sur Lunatic, même s'il pouvait y avoir quelques paroles de ta part brute, enfin du brut de décoffrage, t'étais quand même sur un côté, ouais, un peu plus posé. Ouais, c'est ce que je te disais, la conclusion c'était le crime est un piège. Mmh. Ça veut dire que oui, ça fait partie de la réalité de la vie, mais je veux pas que voilà, on dise noir délinquant. Tu vois, c'est ça que je veux pas. Je veux pas. Et malheureusement, c'est le cas ici, que ça soit en France ou aux États-Unis, ouais, c'est le même problème. Tu vois, on remplit les milieux incarcéraux, c'est toujours nous. Que ça soit en France ou aux États-Unis. Et après, à un moment, il y a une question à se poser, il y a un problème. Et il y a une machine derrière, c'est pas possible. Tu vois, on n'est pas mauvais, on est des êtres humains. Bah, en tout cas, on est comme tout le monde, tu vois, on veut vivre heureux, on veut pas remplir les prisons. C'est un moment quand tu dis qu'il y a un surplus, il y a des trucs illogiques, surtout qu'on n'est pas majoritaire dans un pays, on est des minorités, on est quand même considéré en tant que minorité, on est des minorités dans les faits. Comment ça se fait qu'on est aussi nombreux dans les prisons, tu vois? Moi, je veux pas contribuer à ça, en tout cas. Je veux pas en rajouter. Tu veux pas en rajouter? Voilà. Bon, en tout cas, le message est clair. Kéfir, toi, on va t'écouter rapper maintenant, c'est parti? Yes. Allez, session freestyle par téléphone, on y va. Ok. Ok. Kéfir. Je suis conscient, quand je te dis que je fais du rap, qu'est-ce que c'est des niveaux, toi tu te représentes. Wesh wesh, t'es célèbre et qui vaut zéro sauf en échelle socioculturelle, que son avenir ne vaut pas très cher, même pas d'un bécherel. Moi je pars avec un handicap à tes yeux, mes origines, en plus monsieur fait du rap et cette musique t'horripile. Oui je m'automutile et je ressors cette complainte positive. Toutes les contraintes tentatives sont pour nous plutôt utiles. A, parce qu'on apprend à battre tous tes clichés. B, parce qu'on apprend à berner tes façons de tricher. Elles sont mutiles, je les identifie grâce aux années. Pour toi je suis un basanais avec une carte de résidence ici. Tu nous investis. C'est qui toi, tu crois que t'es futé, tu vois, propose-moi, yo, KFYR1, yo, ok, flashback, flashback sur ma life, je rappe depuis l'âge d'un cry, à cette époque, y'avait un trip hop dans mon agenda, je me souviens des podcasts, Corio, Bombay, Gerda, exprime sur les murs l'artiste qui sommeille en toi, artiste, graffiti, hip hop, solidarity, peace, unity, love et notre philosophie, esprit conscient, exigé que notre âme appelé négligé pour que les wacks restent figés, qu'on puisse enfin tous émerger, les vraies valeurs d'un MC restent dîner conti. Un flow construit, pas de mensonges dans tes récits. Mike 1-2-1 de graphe au rap. Je faisais l'un d'eux entre Fab Cap et Boom Bap. Grandissez le petit merde, yo, check mes faces. Reste en place, c'est what's last, râle les baffes. Quand on prend le microphone, on fait trembler tes baffes. Yo, one love, pour le hip-hop. Notre art est tellement fort qu'il défonce plus de 1000 portes. One love, pour le hip-hop. Notre art est tellement fort qu'il défonce plus de 1000 portes. Je suis conscient KFYR, yo, one mic, 1-1 Saint-Etienne. Ok, Kéfir à l'instant. Merci à toi, Kéfir, comme d'hab, hein, au top. Merci beaucoup. Prochaine scène, prochaine sortie, c'est quand, Kéfir? Prochaine sortie, j'espère 2016 pour moi en solo et 2015 pour One Mic, le crew. Eh bah terrible, et puis d'ici là, des scènes à Saint-Etienne et peut-être même ailleurs pour toi, Kéfir, c'est ce qu'on te souhaite. Yes, et j'espère, et je sais pas si Ali, DJ Stretch est encore dans le giron d'Ali, mais en tout cas, il fait du bon. Il est Stretch, c'est lui qui balance les sons depuis le début de l'émission, il est là. Ok. Un grand big up parce que à mon avis il doit reconnaître les paroles. Ouais, DRW. Exactement. Je voulais pas déclarer aux gens, mais bon. On va dire qu'il est dans l'hip-hop depuis longtemps, Kéfir. Kéfir, il est fort, ouais. Il a fait du graffiti à une époque. Exactement. Et bon, on t'attend un de ces quatre, en tout cas, Kéfir, toujours avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi, grand big up à vous tous. Ciao, DJ Fresh. Passe une bonne soirée. On écoute le morceau Survivant. Ok, allez, c'est parti. Maintenant, c'est extrait de l'album qui sort lundi 2 mars. Que la paix soit sur vous. Face aux mensonges, il faut des fois garder le silence. Ton esprit s'élance à la recherche de l'excellence. Le chemin de la guidée s'oppose à celui de l'errance. J'avance éclairé par la lumière de l'espérance. Le respect appelle au respect par expérience. J'apprends à écouter avec le cœur, car de là le parcours commence. Mon RAP aspire à la paix comme une romance sentimentale. L'amour est monumental, mentalité de survie, ma quête est transcendantale. À chacun son train de vie, chacun sa direction. Action, les jours passent, nouveau quai, nouvelle station. Brise la routine par la méditation. Manifestation, ma voix traverse les murs sans détruire les fondations. Mon esprit s'élance à la recherche de l'excellence. Vis le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, les rêves s'atteignent en les poursuivant. Réalise que la vie est un présent. Route à la recherche de l'excellence. Vis le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, les rêves s'atteignent en les poursuivant. La vie est un chemin de fer, il s'agit d'être sur les rails. À chacun son terminus, à chacun ses funérailles. Enfer et paradis, sérieux et l'affaire. Espère que les anges fassent partie de mon possible. Sur le trajet, on n'oublie pas de vivre aussi. Rêve de traverser le ciel, comme ivre aussi. Chante l'amour comme la Fettino. En osmose sur le circuit comme Valentino. 46 pour mon 45, une nouvelle étape. Rap musique, vers le bien je maintiens le cap. Trop de pièges dans la matrice, rares s'échappent. Je prie pour que bonne soit la destination. Entre ici bas et l'au-delà, j'ai fait mon estimation. L'or n'aura jamais l'aura de Malik Shabazz. Encerclé par la foi depuis mon âme, comme un robaz. Mon esprit s'élance à la recherche de l'excellence. Vis le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, les rêves s'atteignent en les poursuivant. Réalise que la vie est un présent. À la recherche de l'excellence, vis le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, les rêves s'atteignent en les poursuivant. Réalise. Dali qui sera dans les bacs le 2 mars, lundi prochain. Que la paix soit sur vous avec Survivant. Ali, tu voulais nous présenter Survivant. Aussi quelqu'un qui a bossé d'ailleurs sur cet album et notamment... Justement, j'aimerais que cette semaine soit aussi dédiée aux beatmakers. Tu sais que le rassemblement, quand je suis venu pour défendre l'album, c'était vraiment le MCing. J'avais invité des MC, dont Sage Poète, Ifi, Lino. Donc c'était vraiment basé sur le MCing. Là cette fois j'aimerais, ça me tient à cœur de défendre et de représenter les beatmakers. Beatmakers, ouais. Parce qu'on sort les albums dans l'ombre. Voilà. Donc, mais qui apportent la lumière. Qui sont très essentiels. Qui sont très essentiels. C'est, on va dire, voilà, pas de beatmaker, pas de rap, pas de hip-hop. C'est des gens très importants dont on ne parle pas assez. Donc je pense que cette semaine leur sera aussi dédiée. Donc ça sera dédié au beatmaking. On fera aussi des rappels par rapport aux 10 ans de KO Harmony, par rapport au projet les 10 ans de KO Harmony avec les artistes, dont Jen Kazlou qui lui aussi est beatmaker. Mais concernant Survivant, qui est le premier titre, et ben Ouseinou, je le laisse se présenter. Ouzouane. Ça va bien? Ouais, très bien, ouais, merci. Bah, petite présentation, petit CV express, des prods que tu as faites, que tu vas faire. Ok. Alors très rapidement, donc Ouzouane, celle-là c'est vraiment le premier projet en fait sur lequel je produis vraiment. Enfin, le premier projet à grande visibilité en fait sur lequel je suis. Donc j'ai produit deux titres dans l'album, donc Survivant et Que la paix soit sur vous, le titre de l'album. Donc c'est une bonne expérience en fait pour moi finalement, parce que j'ai commencé en fait il y a à peu près une quinzaine d'années. J'ai fait les Beatmaker Contest, donc c'est l'un des premiers concours de beatmaking en France que j'ai pu faire en fait la première édition, etc. Et au fur et à mesure, j'ai continué à évoluer dans le beatmaking, continuer à faire voilà ce que je fais le mieux finalement. La rencontre avec Ali en fait elle est vraiment belle parce que finalement dans mon univers en fait, finalement je me suis bien retrouvé avec lui au niveau de mon univers finalement. Donc les prods qu'il a pris, c'est vraiment des trucs que oui, j'ai demandé, est-ce que tu t'adaptes plutôt à lui ou est-ce que c'est Ali qui s'adapte un petit peu à toi ou c'est vraiment un échange entre vous deux? Alors c'est vraiment un échange en fait parce que je fais des beats depuis assez longtemps, j'ai été influencé par pas mal de choses et finalement là, ce que Ali faisait et continue de faire a beaucoup rejoint finalement ce que je fais quoi au quotidien quoi. Donc la rencontre est vraiment, vraiment spéciale. On a beaucoup échangé aussi sur sur la façon dont on voulait faire sortir le morceau au final. Donc beaucoup d'échanges. Donc très pointilleux, tu confirmes. Exactement, très pointilleux. Ouais. On a passé beaucoup de temps sur Survivant. Toi, c'est pas. Alors, imagine, c'est qu'un titre. Alors imagine 14. 14 titres, c'est pas pour ça. Toi, c'est pas un truc la prod, faire les sons. J'ai essayé un moment, j'avais une MPC. Mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est quelque chose que j'ai apprécié, surtout rythmiquement, tu vois. Il y a quelque chose dedans qui est fort, tu vois. Mais le seul truc qui me dérangeait, c'est que le temps donné à le faire, ça me prenait du temps sur l'écriture. Exactement. Alors c'était un moment, c'était soit l'un, soit l'autre. Il y en a qui arrivent à lier les deux, mais je pense que tu perds dans quelque chose. Et pour te revenir aussi par rapport à la rencontre qu'il disait, c'est pas juste on se pose et tu me fais un son, c'est qu'on parle aussi musique. Ça part, il y a de la culture derrière, il y a un échange. Par exemple, j'aime beaucoup Ahmad Jamal et Youssef Latif. On est partis ensemble voir Ahmad Jamal en concert pour s'imprégner aussi de de ce que nos aînés peuvent nous donner. Les sonorités, ouais, de l'ambiance. C'est des choses qui sont magnifiques. C'est des gens qui ont 83 ans, 91 ans. Qui sont toujours sur scène. Voilà, bon. Youssef Latif, paix à son âme. Il y a un sample de lui dans l'album, mais qui est mort récemment. Paix à son âme. Mais c'est, enfin, je veux dire, par là, c'est des gens qui ont été sur scène et qui sont mais là. Mais c'est même des rencontres. C'est, voilà, c'est des gens qui sont là et qui vivent de cette musique et de leur musique. Mais au-delà même que de la musicalité, il y a encore ce cheminement humain, parce que le sample de Youssef Latif, j'ai eu l'autorisation par sa femme et de par son producteur qu'on a rencontré, qui sont des gens très humbles. Tu sais que Ahmad Jamal, Youssef Latif, c'est des monuments. C'est des monuments historiques, c'est les Duke Ellington de notre époque. Donc c'est ça aussi qu'on se transmet. C'est pas juste, viens, on fait un son, au revoir. C'est un moment se poser et partager, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que ça prend du temps. Bon, content, tu remets ça pour le prochain ? Ah, il y a des choses qui sont en préparation. Des choses qui sont en cours. On est en train de voir, en tout cas, bon. Et puis moi, de mon côté aussi, je suis en train de travailler sur des projets. Est-ce que toi, alors, un peu plus Cali, on peut te suivre ? Il y a des réseaux sociaux, on peut te joindre Alors, on peut me suivre, enfin, c'est assez simple finalement. Enfin, Google, c'est le moteur de recherche suprême. Donc, vous tapez Ouzouane, O-U-Z-O-N-E, donc One. Et là, vous trouverez mon SoundCloud assez facilement, donc, sans problème. Tu vois, il est sur SoundCloud. Ouais, exactement. On utilise les réseaux à fond. Tu vas y aller, SoundCloud? Mais bien sûr, parce que, comme on dit, on apprend des anciens, mais on apprend aussi des jeunes. Des jeunes, ouais. Voilà. C'est ça. Mais ouais, sinon, sur tous les réseaux sociaux, SoundCloud, Bandcamp, Facebook, Instagram, etc. Ouais, t'es technique, mec. Ça, c'est les beatmakers. Il faut avancer, il faut avancer. On nous traite de geek. Ouzouane, en tout cas. Allez cliquer, allez chercher les sonorités et vous le retrouverez aussi sur l'album. Yes. Que la paix soit sur vous, tu seras là cette semaine encore. De toute façon, on te retrouvera certainement dans la semaine. Voilà. Et il est déjà l'heure de se quitter, mais juste avant, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre le jeu The Order 1886, plus la PS4 qui va avec. Avec Lisa de Menton, ça va bien, Lisa ? Ça va, et vous ? Bienvenue dans le Planète Rap avec Ali toute la semaine. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va ? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, dès que tu veux, tu dis stop. La roulette tourne. Stop ! Et va s'arrêter pour toi. The Order 1886. C'est le jeu The Order 1886 et peut-être la PS4. Tirage au sort demain, 6h-9h, dans le morning. À pas louper sur Skyrock. On te fait un bisou, Lisa. D'accord, bisous. Ciao. Allez. Passe une bonne soirée. Merci, Ali, pour cette première soirée. Merci. Toute la semaine, tu reviens. Demain, on se retrouve entre 20 et 21. Merci aux Ouzouane, à DJ Stretch, qui était là aussi au platine. Merci. Et rencard demain, 20-21, pour la suite de ce Planète Rap consacré à Ali, l'album qui sort lundi prochain. Que la paix soit sur vous. Il est grand temps de retrouver D-Fool. C'est parti, c'est la Radio Libre maintenant. Et oui, c'est parti jusqu'à minuit sur Skyrock. Ouais. Attention, Radio Libre, ça va être chaud. Ouh, ça va être chaud ce soir. Au programme de toute l'équipe, des embrouilles. Ah, l'embrouille de Cédric, les meilleurs embrouilles, on va les retrouver cette semaine dans l'émission. Ouais, ça, c'est bon, ça. Je sais qu'il y a des fans, vous allez être servis ce soir. Et il y a des fans aussi de toi, Cédric. Ah. Pour tes prouesses dans la rue. Cédric in the street. Ça a été réclamé, mais réclamé par plein de monde. Par des millions. Des milliards. Des milliards, Romano. Des milliards, quasi. Allez, on arrive tout de suite. Radio Libre sur Skyrock, c'est parti.